envie de tout niquer, envie de sniffer. Oublier mes soucis, les soucis qui me hantent. Je pèse en du fric et remonter la pente. J'ai envie de vivre autrement, envie de remonter le temps, envie de réagir comme un militant. J'ai envie de baisser le temps, je pèse en de mien. Parcourir, se soutenir sur le même chemin. J'ai envie de dire que la vie ne me va pas. Envie de partir, loin de là. Envie de couper le cordon du rap qui n'avance pas. Je pèse des verres de vodka. Je ferme les yeux, imaginez un monde meilleur qui existe peut-être quelque part ailleurs. Ici on n'est que de passage. Et tôt ou tard on partira avec ou sans la rage. Je ferme les yeux, imaginez un monde meilleur qui existe peut-être quelque part ailleurs. De toute façon ici on n'est que de passage. Et tôt ou tard on partira avec ou sans la rage. La toute soumise, j'ai envie de remonter le temps. Revenir en arrière et que tout soit comme avant. Réparer mes erreurs et je m'en veux quand j'y repense. Penser à autre chose car mes blessures je pense. À toutes ces choses merveilleuses que j'ai foutues en l'air. À toutes ces fois où j'ai voulu lâcher l'affaire. À toutes ces fois où j'ai voulu mettre le genou à terre. Et après ça j'espère que de moi on sera fier. Grandir et affronter les galères depuis tout petit je sais le faire. Je suis un gars du terre-terre, j'hésite pas à sortir. Faire, j'ai envie de devenir rappeur, mais je t'avoue que ça me fait peur. Peur de tomber par terre et de ne plus m'en remettre. Appelle-moi Matastan Mas, featuring Tutsumbi. J'ai envie de déployer mes ailes pour pouvoir toucher le ciel. Mais je sais que pour ça, il faudra du potentiel. Je ferme les yeux, imaginez un monde meilleur. Existe peut-être quelque part ailleurs. De toute façon ici on n'est que de passage. Et tôt ou tard on partira avec ou sans la rage. Je ferme les yeux, imaginez un monde meilleur. Qui existe peut-être quelque part ailleurs. Ici on n'est que de passage. Et tôt ou tard on partira avec ou sans la rage. Le monde est violent, la vie est insolent. Un demi-jit c'est la crise. Et l'état veut nous faire la bise. Le vrai mise dans la réussite, c'est la pénurie, c'est triste. Et j'insiste, on est des millions à chercher. Des millions de zéros, des millions de bonhommes. Les mineurs traînent avec des kilos de shit dans la zone. On est déterminé à chiller, rapporter quelques billets. Payer les loyers avec de l'argent sale, sale fait. Et ouais, c'est la life, c'est la vie. Faut apprendre à s'en sortir, mettre les points sur les i. Ici c'est moi, M'Taro Rombi, qui cherche à rentrer au pays avec ma musique. Mon savoir-faire, faire taire les rageux. Et dans mon 9-7-6. Je ferme les yeux, imaginez un monde meilleur qui existe peut-être quelque part ailleurs. De toute façon ici on n'est que de passage. Et tôt ou tard on partira avec ou sans la rage. Imaginez un monde meilleur qui existe peut-être quelque part ailleurs. De toute façon ici on n'est que de passage. Et tôt ou tard on partira avec ou sans la rage.